Le monde entier a célébré solennellement les fêtes d'avril de la Corée, comme le 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, le 24e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de président du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée, le 5e anniversaire de la promotion du camarade Kim Jong-un à la magistrature suprême de notre parti et de notre État, et le 85e anniversaire de la fondation de l'héroïque armée populaire de Corée. Après la première constitution du comité préparatoire pour le 105e anniversaire de naissance de Son Excellence Monsieur le Président Kim Il-sung, en Syrie, plus de 70 comités préparatoires comprenant les personnalités des milieux politiques et sociaux sont organisés. Et il y a eu diverses cérémonies politico-culturelles comme la remise de corbeilles de fleurs devant le portrait en sourire du président Kim Il-sung, la cérémonie de dévoilement du tableau aux hauts faits révolutionnaires du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, les rassemblements conjoints, séminaires et expositions de livres, de photos et d'objets d'artisanat coréen, ainsi que les floralies de la fleur d'honneur. Le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Paektusan 2017, le comité préparatoire suisse pour le 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, le comité suisse-corée et le cercle suisse d'études des idées de Juche ont offert au nom commun un présent au président Kim Il-sung. Le parti du mouvement politique socialiste du Pérou a élu les grands hommes Paektusan président d'honneur et le conseil bolivarien de l'arrondissement de Santiago Mariño de la province d'Aragua du Venezuela et l'association polonaise de tradition de l'armée populaire ont décerné les ordres aux dirigeants suprêmes coréens. Par ailleurs, la cérémonie de nomination de la classe Kim Il-sung et Kim Jong-il a eu lieu à l'école secondaire pour garçons Moon Ali de Zambie et la cérémonie de constitution du cercle d'études des idées du Juche de Berlin s'est déroulée en Allemagne. Et le Parti uni des Lumumbistes du Congo démocratique a organisé la réunion spéciale d'urgence et a signé à l'historique déclaration de Pyongyang défendant et faisant progresser la cause du socialisme. Le roi et la grande reine du royaume du Cambodge ont fait parvenir les grandes corbeilles de fleurs à l'ambassade coréenne et les délégations des partis politiques et formations de divers pays, les institutions internationales ainsi que les personnalités de différents milieux ont rendu une visite de félicitations aux représentations coréennes.